Les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Bonjour Michel Gravier. Bonjour Hélène. Voilà, alors comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, vous savez, quand on fait de la radio, on est toujours très bien, n'est-ce pas Michel? Parce que Michel, pour nos auditeurs des Vosges samedi sur Nancy, ils le savent peut-être moins que sur les auditeurs de Radio Gemozo. Michel est animateur sur Radio Gemozo à Remiremont, enfin à Saint-Étienne-lès-Remiremont plus exactement, sur la fréquence de des Vosges samedi sur Gemozo 107. Mais ce n'est pas en tant qu'animateur que je l'ai contacté, c'est en tant qu'ex-défenseur du au Conseil des Prud'hommes notamment, mais pas que, hein, il y a aussi bien le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Michel est largement encore impliqué dans le monde du travail et il connaît surtout ce que l'on a fait subir à ce monde du travail et à ses organisations depuis un certain nombre d'années. Et c'est pour cela que je t'ai demandé, alors on va se tutoyer, et vous, auditeurs des Vosges samedi, ben, si vous le rencontrez Michel, de toute façon rapidement, vous aussi vous le tutoierez à un certain moment. Donc voilà, vous êtes avec nous dans ce tutoiement auditeur. Donc justement, au niveau... Vu mon grand âge, je peux me permettre de tutoyer aussi. Oui, beaucoup de personnes qui viennent te voir pour être tes petits-enfants ou tes enfants ou tes petits-enfants. Oui. Mais toujours très fringant et très fringant pour surtout également au niveau de l'analyse de ce qui se passe au niveau du monde du travail. Alors, quel est ton sentiment et surtout les informations que tu peux nous donner sur ce que vit actuellement les attaques contre ce monde du travail? Ben, la première chose, c'est que bon, j'ai abandonné la confection de dossiers depuis bientôt 2 ans. Hein, mais bon, ça m'arrive aussi de donner quelques renseignements. Alors, le bilan que je peux faire, ben, il y a d'abord la réforme des conseils de prud'hommes qui a été initiée par Macron en 2017, alors qu'il était sous le gouvernement de Hollande. Et puis, je peux dire que ça n'a pas facilité, loin s'en faut, l'accès aux conseils de prud'hommes. Hein, ça a complexifié énormément les procédures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des détails techniques, hein, mais quand on sait que, par exemple, il fut un temps qu'à la cour d'appel, il fallait déposer ses conclusions en Nancy, depuis les Vosges, bon, etc., les faire approuver. Enfin, je te dis pas, c'était très, très compliqué. Oui, c'est des embûches supplémentaires. Et qui a eu une conséquence très rapide, hein, c'est-à-dire que le nombre de dossiers qui arrivaient devant le conseil de prud'homme était divisé par 2. Ah oui, la complexité des procédures, l'accès à la justice, c'était de plus en plus difficile. Nombre de dossiers, ça c'est important. C'est-à-dire que déjà, pour un salarié, pour déjà faire la démarche... En 2018, enfin, début 2018, fin 2017, début 2018, après les renseignements que j'avais à l'époque, le nombre de procédures a été divisé par 2. Hein. Véritablement, la complexité des procédures a été telle que, bon, ça a dégoûté les délégués syndicaux qui pouvaient intervenir devant le conseil de prud'hommes, hein, et puis en plus leur statut a été modifié, mais d'autre part ça n'a pas permis un accès rapide, un accès simplifié à la justice prud'homale pour les salariés. Oui, parce que rappelons qu'avec ce qu'a fait Hollande, c'était dans la droite file de ce qu'avait fait Sarkozy, au niveau des délégués syndicaux qui étaient auparavant nommés exclusivement par leur organisation syndicale et qui avait une protection davantage à ce titre-là, il fallait en même temps qu'il soit à présent avec Sarkozy, donc d'une façon un peu globale, sans aller trop techniquement dans les affaires, il fallait qu'il soit aussi élu par leur père, par les autres salariés. Il fallait qu'il soit issu d'une liste, syndicale qui avait remporté au moins 10% des voix. Et tous les deux ans, il repassait avec cette nécessité de vote, ou tous les quatre ans. Et s'ils avaient effectivement... Il pouvait y avoir des accords sur deux ans. Voilà. Et s'il y avait des difficultés au sein de l'entreprise, et notamment avec des pressions de la part de l'employeur, il suffisait de pas voter pour le délégué syndical qui était gênant, et il se retrouvait ensuite sur un siège éjectable, puisque sa protection, ça durait 6 mois. Et après, on pouvait toujours lui trouver une broutille pour justifier de le lourder. Enfin, je fais vite, mais c'était un peu ça. Et puis, il y a peut-être quelque chose que tu ignores, c'est que avec la loi travail XXL, qui est la loi travail numéro 2, qui est récente, bien entendu, ils ne pourront pas briller plus de 3 mandats. Oui, donc. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, on peut le regarder. L'ancienneté dans l'entreprise, au bout de 12 ans et puis 6 mois, il risque d'être lourdé. On peut le regarder un chien de leur chienne, comme on dit. Voilà. Justement, on peut se débarrasser au bout de 12 ans. D'ailleurs, ça a beaucoup alerté les organisations syndicales, mais le ministère n'a rien voulu savoir. Donc, trois mandats de 4 ans, pas plus. Et puis après, ils ne peuvent plus se représenter. Et donc, sauf à retrouver un mandat quelconque. Un CHSCT ou DP, enfin, pour que la fusion des institutions au niveau de l'entreprise ne facilite pas les choses, d'autant plus que le nombre d'heures de délégation a diminué parallèlement à ça, c'est-à-dire que bien souvent, des représentants du personnel avaient déjà quelques difficultés sur le temps qu'il aurait été alloué par la loi de pouvoir remplir leur mission, ce temps a encore été bien souvent diminué et concentré sur un nombre plus restreint de têtes. D'autant plus, donc, quand on dit CHSCT, c'est conditions des comités d'hygiène et de sécurité, conditions de travail, qui était une instance qui avait très peu de moyens, mais qui avait un pouvoir important ponctuellement. C'est-à-dire que s'il y avait une situation très dangereuse, il pouvait avoir le même, plus que le pouvoir que l'employeur, faire arrêter une machine, par exemple, ou une situation à risque, gravissime, vraiment pas que ça soit une broutille, on lui a coupé les ailes en lui donnant beaucoup moins de moyens, une façon encore indirecte. De moyens, pas de pouvoir, de moyens. Oui. De moyens. Mais quand on n'a pas les moyens, c'est difficile d'exercer son pouvoir parce qu'on n'est pas au courant des situations si on ne peut pas être sur le terrain à ce moment-là, par exemple. Alors, sans faire dans le pessimisme... La réforme du Code du Travail, la deuxième réforme, déjà la première était particulièrement contestable, discutable, mais la deuxième, bien sûr, a installé beaucoup de précarité aussi, parce que j'ai découvert récemment, par exemple, que pour les... Alors, il y a une certaine hypocrisie du gouvernement, parce qu'à ce moment, il est en train de râler contre les contrats courts, mais en réalité, il a favorisé la précarité et les CDD, puisque de toute façon, la requalification des CDD qui n'aurait pas été dans les clous n'est plus possible automatiquement. C'est-à-dire que le patron n'a en cours qu'une sanction d'un mois de salaire, c'est tout, alors qu'avant, il encourait une double sanction, en quelque sorte, des dommages-intérêts pour rupture abusive, mais en même temps, ça découlait d'une requalification du contrat de travail. C'est-à-dire que la loi, dans ces cas-là, transformait le contrat qui n'était pas légal, la précarité qui n'était pas légale, en contrat à durée indéterminée avec les conséquences de droit. Et là, on a diminué énormément les sanctions. Et il n'y a plus de requalification automatique. Alors juste, et ça c'était un recul assez extraordinaire, et c'est ce qui explique aussi la montée de la précarité actuelle. Oui, alors en rajoutant en plus à cela, tout ce qui est l'ubérisation des emplois dans une émission. Ah, bien sûr. Voilà. Au point de vue ubérisation, ce qu'il faut dire quand même, c'est que les salariés d'Uber commencent à remporter devant le tribunal. Parce que que bon, la justice quand même est encore assez indépendante hein, dans ce pays. Donc des victoires hein, en faisant valoir que c'était des faux libéraux et de vrais salariés. Et donc il y a des contrats de travail, enfin des contrats plutôt de des contrats Uber qui ont été requalifiés en contrats de travail récemment par plusieurs juridictions prud'homales et cours d'appel. Alors justement, nous en parlions. C'est quand même une grande victoire pour eux. Hein, tout à fait. Parce que là encore, l'uberisation, c'est aussi une invention de Macron, ça. Tout à fait. Et c'est important de rappeler les choses. Et justement, dans une émission qui passera aux mêmes dates que C'est vos samedis, à savoir donc première diffusion le 27 avril, c'est toujours à la date de la première diffusion qu'on peut retrouver nos émissions en podcast, rediffusion le 4 mai. Et dans une autre émission donc qui passe exclusivement sur RCN, à savoir Brassage, de 10h à 11h, je recevais un syndicaliste du ministère du Travail qui a longuement justement analysé ses conséquences, notamment pour des jeunes et des moins jeunes, parce que l'ubérisation, on le trouve aussi dans le monde du travail, du bâtiment et tout ça, d'une façon un peu indirecte, en auto-entrepreneur, hein, donc c'est le principe, mais en fin de compte... C'est-à-dire que l'auto-entreprise, c'est quelque chose qui était fabriqué du temps des ministères de Sarkozy, enfin de Sarkozy, hein, s'il y a à boire, à manger, c'est sûr que pour certains, ça peut être une aubaine, hein, pour d'autres, c'est véritablement de la sous-traitance et donc des gens qui gagnent mal leur vie, qui sont maltraités, puisque de toute façon, ils sont considérés comme des libéraux. Et j'ai connu une entreprise de peinture, je ne citerai pas son nom, hein, de peinture isolation, qui encourageait, c'était il y a bien des années en arrière, qui encourageait ses salariés à se mettre à leur compte pour pouvoir les reprendre en sous-traitance. Alors ça, c'est un peu le comble, quoi, hein, parce que le vrai donneur d'ordre, c'était quand même l'entreprise. Hein, il n'avait pas beaucoup de liberté dans un cadre artisanal libéral. Oui, et il avait que des contraintes et aucune protection réelle, en fait. Ils sont obligés de s'assurer leur protection sociale eux-mêmes, leur protection dans le monde du travail, bien sûr. Hein, quand on dit protection, c'est aussi bien les échafaudages que les tenues, etc. Mais au surplus, leur protection sociale. Au début, ils peuvent être encore rattachés à la sécurité sociale. Après, bien sûr, ils sont bien obligés d'aller dans le système libéral, ex-RSI, aujourd'hui, enfin, ça peut être toujours RSI, mais dirigé par l'URSSAF. Alors justement, ce syndicaliste de l'inspection du travail, eh bien, disait que avec plusieurs modifications législatives, je dirais, parce que c'est les réformes sous couvert de réformes, c'est une façon de faire la peau aux gens. Ils ont vu leur effet. C'est des réformes régrées, hein, c'est-à-dire qu'on régresse. Voilà, tout à fait. Ils ont vu leur effectif diminuer de 10 à 15% nouveau, c'est-à-dire qu'ils perdent des dizaines de postes au niveau du Grand Est, donc plusieurs à chaque fois sur les Vosges, par exemple, plusieurs, bien sûr, dans tous les départements du Grand Est. Et c'est une façon indirecte. Eh bien, si on ne veut pas savoir que le monde du travail a la fièbre, eh bien, le meilleur moyen... C'est... thermomètre. Exactement, on casse le thermomètre. Et quand, malgré tout, il faut aller, pour quelques-uns, aller aux urgences, alors les urgences, ça sera pour moi, notamment le Conseil des Prud'hommes, est-ce que tu peux nous parler d'une façon plus précise, la nouvelle configuration, justement, des Conseils des Prud'hommes dans les Vosges, avec ces différentes modifications qui ont fait, donc, déjà, au départ, baisser de plus de la moitié des procédures, et puis ça n'a pas dû s'arranger. Alors, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que, et je crois que c'est encore le cas actuellement, hein, j'ai pas les dernières statistiques, que les procédures engagées avaient diminué de moitié. Hein. Maintenant, pour les Vosges, le Conseil de Prud'homme a déménagé du lieu-dit La Madeleine, hein, au-dessus d'Épinal, là, que les anciennes casernes, vers le centre, dans les anciens locaux qui sont libérés par la Cour des comptes, par la Cour des comptes épinalienne. Hein. Séguin avait obtenu qu'une Cour des comptes s'implante à Épinal, enfin du Cursal, j'allais dire, la Cour des comptes s'implante à Épinal. Là, c'était fermé. C'est fermé, et donc le Conseil de Prud'homme mais conjointement avec le tribunal d'instance, qui devrait disparaître à terme, entre parenthèses, et puis le tribunal de commerce, donc, sont installés dans ces locaux, là, hein, et ils sont très, très à l'étroit, hein. Et bon, là, je le dis à titre presque confidentiel, je ne citerai pas le nom de la personne, hein, une ancienne du conseil de prudence, enfin une ancienne qui est encore en activité, qui dit, oh là là, vivement la retraite, hein, j'en ai un ras de bol, marre. C'est vrai qu'une seule audience, il faut vraiment programmer les choses, seule audience pour les trois structures, tribunal de commerce, tribunal d'instance et conseil de prudhomme. Et puis alors, les gens sont à l'étroit, quoi. Ils ont deux fois moins. Par exemple, le conseil de prudhomme a deux fois moins de surface qu'avant. Et deux fois moins de surface. Travail, hein, et sûr. auparavant, donc, pour les Vosges, il n'y a plus que ce conseil des prud'hommes à Épinal ou il y en a d'autres endroits. Un à Saint-Dié. Ah, mais pour combien de temps, on n'en sait rien, hein. Parce qu'il y a une réforme de la justice qui est menée en ce moment, d'ailleurs, qui a suscité la colère des avocats, hein, puisqu'on va refondre tribunal d'instance, tribunal de grande instance. On va faire rentrer, par exemple, des tribunaux dans des procédures spéciaux, qui étaient, par exemple, le TCI, le TAS, le tribunal des affaires de sécurité sociale, Celui-là pour mémoire, hein, les autres, je ne sais pas, la réforme de la justice. Et d'ailleurs, à mon émission, je crois que tu as invité une avocate dans ce délai rapproché. Les avocats ont fait grève. Ça n'a presque pas paru dans la presse. Ça n'a pas fait de bruit, mais en tout cas, les avocats sont vent debout contre ces réformes. Pas seulement parce que ça va leur ôter des clients, mais parce qu'ils ne pourront pas être partout à la fois. Et puis, ça complexifie énormément l'accès à la justice. Alors, tu peux rappeler d'ailleurs l'émission dans laquelle tu interviens, donc sur Game Zone. La parole est à vous, hein, avec différents magazines, magazines santé. Et ça se passe à quel moment? Alors, c'est le mardi soir de 20 à 21h, et rediffusé le jeudi matin de 9h à 10h. Voilà, et toujours, bien sûr, pour nos auditeurs sur Nancy, ben là, c'est en podcast ou sur Internet, sans problème, pour trouver Guémozo. Auparavant, alors, justement... Radio Guémozo, d'un seul mot, point... Voilà. Et donc, on sent l'habitude de dire souvent à la radio les adresses nettes. Alors, justement, avant de nous quitter, il y a ce conseil des prud'hommes à Épinal géographiquement, enfin, disons, beaucoup plus en situation rabougrie. Il y a encore un conseil des prud'hommes à Saint-Dié. Et auparavant, il y avait d'autres conseils des prud'hommes sur les Vosges. Premièrement, il était fermé en 2008, hein, malgré les protestations. Malgré les protestations des syndicats, bien sûr, mais de la population aussi, puisqu'on a mis entre 500 et 1000 personnes dans la rue, à peu près. Malgré tout, c'était du temps de Rachida Dati, et le député qui est devenu président du Conseil général était signataire d'une pétition en faveur de la suppression des tribunaux. Voilà. Ça paraît paradoxal. Voilà, c'est l'histoire. Non, mais c'est important. C'était 2007-2008. C'est important de le rappeler. Eh bien, voilà, avec ces informations... Voilà, alors, j'ajoute juste une petite chose, oui. Je ne veux pas abuser de ton temps. Ah ben non, mais c'est surtout du temps... C'est toujours juste, c'est que là, dimanche, comme par hasard, j'ai revu une dame qui fait partie, une amie qui fait partie de la direction du travail, hein, elle travaille comme administrative, là encore je ne vais pas citer son nom, qui m'a dit, oh là là, on a fait déjà trois grèves, ça a passé inaperçu. Voilà. Hein, j'ai l'impression, parce que j'ai rien vu dans la presse, dans les médias. On a déjà fait trois grèves et on a déjà quatre suppressions d'emplois en étant rattaché à la direction du travail Grand Est. Il y a déjà eu quatre suppressions d'emplois. Ben, voilà, non, c'est... remplacement de départ en retraite, toute suppression pure et simple, plus mutation. Voilà, donc on est en train d'affaiblir une inspection du travail dans les Vosges qui est déjà très loin de satisfaire aux demandes des salariés. Voilà, dans les Vosges et dans tous les départements du Grand Est et de l'Hexagone, hein. Donc c'est l'intérêt justement de ces radios associatives, eh ben, d'ouvrir leur micro à des personnes qui peuvent dire la réalité du travail que nos auditeurs connaissent bien pour le vivre et parfois très douloureusement. Hein. Oui, parce que là, franchement, je reproche aux grands médias que quand même de faire des informations très parcellaires et puis finalement de ne pas couvrir des événements comme ça. cas de suppression d'emploi, ben, ça se fait progressivement, il est vrai. À la direction du travail des Vosges, sur un effectif qui est déjà réduit, qui, hein, ça signifie que demain, ben, on occupe beaucoup les inspecteurs du travail, parce qu'il paraît qu'il n'y a plus de contrôleurs, hein, c'est tout un... Oui, c'est... Uniquement des inspecteurs. On occupe déjà pas mal à faire des statistiques qui ne devraient pas rentrer dans leurs fonctions, hein, ils devraient intervenir sur le terrain. Bah, finalement, ils n'auront bientôt plus la possibilité d'intervenir sur le terrain, quoi. Hein, voilà. Et voilà, et du style, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, mais surtout, ils exploitent les autres humains, exploitent sans vergogne, puisqu'ils savent qu'ils ne... Voilà, passer les bornes, il n'y a plus de limite, voilà. Et ce qui est grave, si tu veux, c'est par exemple le dossier de l'amiante. Hein. Bon, le dossier de l'amiante à l'échelle nationale, heureusement, devant la justice, les travailleurs remportent certains succès, hein, en particulier sur le préjudice d'appréhension. Hein. Mais par contre, sur le terrain, ben, on a toujours autant de salariés qui sont exposés à l'amiante, par exemple dans les entreprises de thermiques ou autres entreprises du bâtiment. Et ça, clandestinement. Hein. Et puis bon, ben, quand ces salariés-là font appel à l'inspection du travail, ben, on leur dit, ben, oui, vous avez raison, mais il n'y a pas véritablement d'action derrière pour empêcher des expositions qui sont particulièrement préoccupantes. Eh bien, c'est cette réalité-là qu'il faut quand même redonner aux auditeurs, et puis surtout que ces auditeurs les relaient, hein, notamment relaient les sites de ces radios qui en parlent, à défaut de des radios qui sont payées par nos impôts génériques et qui n'en parlent pas. Et bien voilà, c'est l'intérêt de ces radios associatives telles que Radio Guémouzo et Radio Caraïbes Nancy. Et bien, on va se quitter, nous, avec, alors je vais te dire un grand merci Michel, et on se quitte. Et on va se quitter justement avec une interprétation des Co-Tribotes, donc un groupe du secteur de Gérard Armé au départ, qui nous interprète Travailler, c'est trop dur, cette circonstance. Voilà. Merci encore à toi, bonjour Michel. Hélène. Au revoir. Puis, un grand salut aux auditeurs. Merci. Allez, travailler, c'est trop dur. Et puis, dans le droit fil de ce que vient de dire notre invité, donc Michel Gravier, je ne peux que vous conseiller de vous reporter à un ouvrage qui s'appelle « Répression, l'État face aux contestations politiques ». C'est aux éditions textuelles, ça coûte 12,90 €. Et l'auteur Vanessa Codo Codacioni, alors C-O-D-A-2-C-I-O-N-I, eh bien vous expliquera comment on peut criminaliser sans problème tout ce qui est toutes les actions des militants politiques ou syndicalistes ou écologistes, voilà, et comment les mesures d'état d'urgence ont déjà été utilisées prioritairement pour ceux-là, pour ces personnes, pour celles-là, et puis également comment on peut assimiler tous ceux qui contestent ces différentes modifications dont on vient de parler à tout simplement des délinquants. Donc, excellent ouvrage, Vanessa Codacioni, Répression, l'État face aux contestations politiques, aux éditions textuelles, 12,90 €. Avant de se quitter, exceptionnellement, vous n'aurez pas que les Vosgiennes s'emballent parce que je vous passerai un petit extrait de Monsieur Az qui va se produire au grattoir le samedi 4 mai à 21h72, j'aime bien les horaires, pour le 13e anniversaire du grattoir. Et auparavant, donc, à Gérardmer, hein, oui, on reste dans le secteur de Gérardmer, du 3 au 5 mai. Et au cœur de Gérardmer, tout public, il y a le plateau ivre qui participe au festival Mets en scène. Donc, pour en savoir davantage, www.leplateauivre.com, un numéro de téléphone 06 75 96 40 78, 06 75 96 40 78. Le programme complet sera disponible donc d'une part au niveau du plateau Yves, de la maison de la MCL et de la ville de la culture, MCM, maison de la culture et des loisirs à Gérardmer, et au grattoir, donc Monsieur Az, le samedi 4 mai, 21h72. Entre-temps, la fête du 1er mai, les manifs du 1er mai, eh bien, nous, auditeurs d'RCN, nous vous souhaitons surtout, eh bien, une bonne conscience avec aussi la fête à la pluie. Allez, à bientôt dans les Vosges samedis. C'était l'émission du 27 avril en podcast rediffusion le 4 mai. Bon 1er mai à vous. I've been telling you to rush down. I've been learning from you to kneel at the one. But I feel mistreated so. Life's becoming hard and it's so hard, it's so hard to be your man. I've been hurt by you sometimes. Doesn't mean that it's bad every time. No, things are changing now, but life is still so hard and it's so hard, it's so hard. Life for you is just a game, but it's so.